Seul Dieu est absolument et complètement immuable et toujours fiable. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Nous nous fions à beaucoup de gens ou beaucoup de choses, les membres de notre foyer, nos amis, notre emploi, nos revenus ou notre demeure. Cependant, nous pouvons perdre les gens que nous aimons comme nos biens matériels. Aujourd'hui, Charles Stanley rappelle aux croyants qu'ils ne devraient faire confiance qu'à Dieu et non aux êtres humains et aux biens matériels. Notre confiance doit être placée en Dieu seul. C'est la première et la plus importante des vérités que nous trouvons dans le guide de Dieu pour une vie épanouie. Nous n'atteindrons jamais notre plein potentiel sans une relation avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, Charles Stanley explique que nous mettons nos priorités en bon ordre si notre cœur bat à l'unisson avec celui de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Pour illustrer notre thème aujourd'hui, lisons un extrait du livre des Proverbes qui débute par deux versets que beaucoup de chrétiens ont mémorisés, mais souvent sans comprendre le rapport qui existe entre ces deux versets et les suivants. Lisons Proverbes 3, versets 5 à 12. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ces quelques versets résument ce qu'est une vie chrétienne exemplaire. Ils représentent une boussole qui guidera nos pas dans la bonne direction. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, où que nous habitions, quelle que soit notre situation, ces versets sont comme une boussole concise, infaillible et fiable, et donc digne de confiance pour toute votre vie. Il existe quatre directions fondamentales, le nord, le sud, l'est et l'ouest. De même, j'aimerais faire ressortir quatre points particuliers du texte que nous venons de lire. Je vous encourage à prendre ces points en note. Premièrement, à la lecture de Proverbes 3, versets 5 à 12, nous constatons que tout pivote autour de la confiance que nous plaçons en Dieu. Au verset 5, nous lisons « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur », c'est-à-dire « Comptons sur Dieu, faisons-lui confiance ». La première chose à comprendre dans ce passage, c'est que Dieu est l'objet de la confiance dont le texte parle. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est infiniment sage et il est le seul être tout-puissant qui peut contrôler la moindre circonstance de notre vie. Le premier pas consiste donc à placer notre foi en lui. Deuxièmement, plusieurs exigences sont mentionnées dans ce passage. Nous devons faire confiance à Dieu. Il exige alors trois choses de nous. La première se trouve au verset 5. « Et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Regardons aussi le verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Dieu exige trois choses de nous. Nous devons d'abord compter sur lui et non sur notre propre sagesse ou notre propre compréhension de la situation. Puis, Dieu exige que nous le vénérions et que nous le révérions. Retournons à notre texte. Versets 5 à 7. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Que signifie craindre Dieu? Le mot craindre est souvent employé dans la Bible, et en général, c'est pour parler du respect envers Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est plutôt le révérer, avoir un respect profond pour lui. C'est être émerveillé par Dieu de sorte que nous l'adorons, nous le louons, nous le vénérons et nous lui obéissons. Craindre Dieu, c'est le révérer. Si nous n'honorons pas Dieu, si nous ne le vénérons pas, si nous ne lui manifestons aucun respect, nous ne pouvons pas prétendre au titre de sage. Le début de la sagesse, c'est vénérer Dieu et le craindre. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le craindre, c'est donc le vénérer, le respecter et reconnaître qu'il est le souverain de cet univers. Aussi, il est celui qui a le droit et l'autorité de gérer ma vie, de me dicter ma conduite et de contrôler tous les domaines de ma vie. Enfin, Dieu exige que nous nous détournions du mal. Verset 7. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Nous devrons tous affronter le mal et la méchanceté au cours de notre vie. Nous subirons les assauts répétés de toutes sortes de tentations. Cependant, Dieu ne déclare pas, « Eh bien, si vous me faites confiance, vous ne serez pas tentés, et vous n'aurez ni épreuve, ni souffrance, ni fardeau, ni défaite. » Il nous encourage simplement à nous appuyer sur lui et non pas sur notre propre sagesse. Nous devons le vénérer, l'honorer, le respecter parce qu'il est Dieu et qu'il a toute autorité sur notre vie. Finalement, nous devons rejeter les voies de la chair et du mal. Si nous désirons marcher selon la sagesse divine, nous devons apprendre à lire la boussole divine. J'aimerais à présent attirer votre attention sur le troisième point. J'aimerais vous faire comprendre l'étendue de l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Dans le texte des Proverbes, Dieu promet d'accorder à chaque croyant les désirs de son cœur. Quels sont ces désirs? Écoutons de nouveau les versets 5 et 6 du livre des Proverbes au chapitre 3. Il dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quelle est la première promesse de Dieu? Dieu nous promet d'aplanir nos sentiers ou, autrement dit, de nous guider dans la bonne direction. Dites-moi, y a-t-il un domaine de votre vie pour lequel vous n'avez pas besoin d'être guidé ou de recevoir des instructions claires? Non, il n'en existe pas un seul. Nous avons besoin de savoir exactement ce que nous devons faire dans n'importe quelle situation, même celle qui vous paraît la plus infime. Premièrement, Dieu promet de nous guider. Quelle est la deuxième promesse? Lisez les versets 7 et 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Entendez-vous cela? Il est impossible d'avoir une excellente santé si nous ne laissons pas à Dieu le soin de nous contrôler. Suivre Dieu et jouir d'une belle santé sont indissociables. Permettez-moi de clarifier un détail. Je ne dis pas que tous ceux qui sont malades le sont parce qu'ils vivent dans le péché. Loin de là ma pensée. Je ne suis pas en train de prétendre que toutes les maladies sont le résultat du péché. Si vous retournez au jardin d'Éden, alors oui, la maladie est le résultat du péché. Cependant, je n'affirme pas que cela est vrai dans la vie d'un individu. Nous ne sommes pas toujours malades parce que nous avons commis un péché spécifique. En revanche, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, je crois qu'il serait bon d'admettre que l'abus du corps, le fait de désobéir à Dieu et de l'utiliser de manière insensée, cause souvent des maladies. Maltraiter notre corps est un péché. C'est de la désobéissance à Dieu. Nous devons en être conscients. Si nous maltraitons notre corps, nous en souffrirons les conséquences. Cependant, il arrive que des individus soient malades sans qu'ils aient désobéi à Dieu ou abusé de leur corps. Je voudrais bien me faire comprendre et être clair sur un point. Toutes les maladies ne sont pas dues à un péché personnel. Cependant, nous devons nous rendre compte que Dieu affirme qu'il y a un lien entre l'obéissance à ses commandements, c'est-à-dire le fait de suivre ses voies, et une bonne santé. Nous ne pouvons pas nier cela. Dieu affirme que lorsque nous lui faisons confiance de tout notre cœur et que nous ne nous fions pas notre sagesse, mais qu'au contraire, nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il nous guidera sur le sentier. Dieu nous demande de ne pas nous croire sages, mais de le craindre et de nous détourner du mal. si nous faisons tout ce qui est mentionné dans ce paragraphe, nous conserverons une meilleure santé. Si nous sommes malades, le premier pas pour la guérison est l'obéissance à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est que lorsque nous lui sommes soumis, c'est bénéfique pour notre santé. Il ne nous assure pas que nous ne serons jamais malades, mais il affirme que nous conservons une meilleure santé si nous sommes obéissants à sa parole et si nous marchons en mettant entièrement notre confiance en lui sans nous appuyer sur notre sagesse. Nous devons donc le vénérer et nous tenir loin du mal. Si nous agissons selon ses déclarations, nous pourrons espérer recevoir des instructions claires de Dieu et conserver une bonne santé. Les versets 9 et 10 expriment une troisième promesse. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Voilà donc ce que nous pouvons nous attendre à recevoir de Dieu lorsque nous mettons entièrement notre confiance en lui. Lorsque nous marchons selon la sagesse divine et non selon la nôtre, lorsque nous vénérons et révérons Dieu, lorsque nous lui permettons de guider notre vie et lorsque nous nous détournons du mal, Dieu nous récompense. N'est-ce pas ce que tous les croyants désirent? La direction divine pour prendre des décisions? Une bonne santé et la prospérité. Que pourrions-nous ajouter à cela? Dieu nous demande de contribuer à son œuvre. Honore l'Éternel avec tes biens. Honorer Dieu signifie comprendre quelle est sa volonté et lui obéir. Je me doute qu'il y a des non-croyants qui m'écoutent et qui critiquent mes paroles. Ils n'aiment pas ce que je déclare. Tout ce que vous voulez, c'est notre argent, pensent-ils. Rien n'est plus faux. En fait, nous n'en demandons jamais sur les ondes. Nous avons une bonne raison de ne pas le faire. Dieu est la source. Il pourvoit à tout. Vous ne m'entendez donc jamais demander de l'argent. Cependant, voici ce que Dieu dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Dieu ne veut pas ce qu'il nous reste. Il n'a pas à tenir la dernière place dans notre vie, même pas la deuxième place. Il devrait toujours tenir la première place, au contraire. Il doit passer avant tout le reste. Dieu dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Autrement dit, « Ne me donnez pas ce qui vous reste après avoir payé les impôts, l'épicerie, les services publics ou tout autre paiement. Les prémices d'une récolte, c'est ce qui pousse en premier. Aussi, honorons Dieu en lui donnant la part de budget qui lui revient. Pourquoi doit-il en être ainsi? Eh bien, Dieu est Dieu. Il a donc légitimement droit à ce qu'il y a de meilleur. Ce texte nous sert de guide. Il est une boussole qui nous indique la bonne direction à suivre en toutes choses, sans exception. Il est intéressant de noter que le Seigneur s'arrête sur un sujet qui est un bon indicateur de notre état spirituel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 21. Si vous désirez vivre de façon épanouie, vous devez faire entièrement confiance à Dieu. Vous devez le reconnaître comme votre Dieu et vous confier à lui. Ne lui cachez rien. Il est votre confident. Ne vous tournez pas vers la sagesse humaine. Ne vous tournez pas vers les fausses philosophies et les fausses idoles du monde, mais révérez Dieu. Rejetez les voies du monde, car elles ne feront que vous attirer dans le précipice. Si vous soumettez votre vie à Dieu, Dieu vous guidera. Il vous aidera à conserver une bonne santé et à prospérer. Qu'est-ce qu'une vie épanouie? Voici les éléments essentiels pour en faire l'expérience. Foi entière en Dieu dans tous les domaines de ma vie. Vénérer et révérer Dieu. Résister au diable. Je peux m'attendre alors à ce qu'il me guide, m'accorde une bonne santé et me fasse prospérer. Comment est-ce que Dieu nous guide et nous donne ses instructions? Le fondement, c'est la confiance que nous mettons en Dieu. Je ne peux peut-être pas tout comprendre avec un logiciel de gestion. Je ne peux pas tout expliquer à l'aide d'une calculatrice. Je ne vois pas clairement où cela me conduira. Je ne vois pas comment je réussirai à mener tel ou tel projet à terme, mais ce n'est pas important. Dieu n'a pas dit que je comprendrai tout. Il me dit « Fais-moi confiance ». Il m'est souvent arrivé de me retrouver sur mes genoux au milieu d'une situation dont je ne pouvais pas voir l'issue. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à chaque fois? Qu'est-ce qu'il continuera à me dire? Il me dit « Fais-moi confiance, tout simplement ». Plusieurs années d'expérience m'ont enseigné que cela suffit. Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Certains se disent peut-être « C'est bien cela, mais je ne sais toujours pas quoi faire ». En fait, il n'est pas nécessaire de le savoir. Il me l'a déjà dit quoi faire lorsqu'il m'a dit de lui faire confiance. Peut-être pensez-vous que le texte devrait se terminer sur cette pensée parce qu'il n'y a plus rien à dire. Ce n'est pas le cas. Nous avons dit qu'une boussole indiquait quatre directions fondamentales. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les quatre sont nécessaires pour avoir une boussole en état de fonctionner. Quel est donc le quatrième point? Dieu ne néglige jamais ou n'oublie jamais un détail. Dieu nous guide lorsque nous réagissons bien à sa discipline, lorsque nous acceptons sa discipline. Nous subissons tous la discipline de Dieu tôt ou tard. Au verset 11, après la description de ses bénédictions, Dieu ajoute ceci. Les versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » J'aimerais que vous notiez trois choses. Premièrement, il faut s'attendre à être discipliné. Mais qu'en est-il de toutes les bénédictions décrites dans le texte? Dieu nous les accorde, mais cela n'exclut pas sa discipline. Pourquoi devons-nous nous attendre à sa discipline? Eh bien, nous ne sommes pas parfaits. Nous allons commettre des erreurs. Nous allons souvent marcher selon la chair. Nous allons être égoïstes. Nous allons pécher contre Dieu. Il nous dit donc de nous attendre à être disciplinés. Deuxièmement, notez que nous devons accepter cette discipline comme un bienfait. Comment pouvons-nous accepter quelque chose qui nous fait souffrir, qui est douloureux et horrible? Nous pouvons accepter la discipline de Dieu seulement si nous comprenons les intentions et le but de Dieu. Quel est donc le but de Dieu? N'oublions jamais que Dieu ne discipline pas ses enfants par esprit de vengeance ou pour leur rendre coup pour coup. C'est l'amour de Dieu pour nous qui le motive à nous discipliner. En nous corrigeant, Dieu désire notre bien. La plupart du temps, il doit penser à notre avenir plutôt qu'au moment présent. Si Dieu fait simplement me punir, il ne considère que le moment présent. Cependant, s'il me corrige avec un regard sur mon futur, ce n'est pas une punition ou une vengeance, mais un châtiment motivé par l'amour. Notre boussole ne serait pas complète sans la direction châtiment, car nous allons commettre des erreurs et trébucher. Je dois donc m'attendre à subir la discipline de Dieu à cause de mes échecs, et je dois accepter cette discipline. Je dois me rappeler que c'est mon Père Céleste qui m'aime suffisamment pour me la donner lorsqu'il me voit prendre une mauvaise direction. Je dois aussi encourager cette discipline en m'y soumettant. Relisons les deux versets. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. » Ne fuyez pas cette discipline, ne la détestez pas et ne méprisez pas le châtiment de Dieu. Pourquoi devrait-il en être ainsi? Verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Nous avançons sur le sentier de Dieu et nous décidons de bifurquer parce que nous voyons quelque chose qui nous semble plus attrayant un peu plus loin. Dieu intervient immédiatement avec sa discipline. Quel est le but de Dieu? Le verset 12 ne nous oriente pas vers le verset 13, mais nous ramène au verset 5. En effet, quel est le but ultime du châtiment du Seigneur? Il veut que je lui fasse de nouveau confiance de tout mon cœur et que je ne me confie pas dans ma propre sagesse, que je le reconnaisse dans toutes mes voies. Cela complète la description des quatre directions de la boussole spirituelle. Ce texte de Proverbe 3 résume comment nous devons marcher pour connaître le meilleur de la vie. Le voici emballé dans un petit paquet. Je dois me confier en Dieu de tout mon cœur, et ce, dans tous les domaines de ma vie. Je ne dois pas m'appuyer sur ma sagesse et mon intelligence. Je dois vénérer et révérer Dieu comme étant mon Dieu et me détourner du mal. Si je fais cela, je peux m'attendre à être clairement guidé par Dieu lorsque je dois prendre des décisions, prendre soin de ma santé et connaître la prospérité. Lorsque j'échoue, que je suis égoïste, que je marche selon la chair, je dois m'attendre à être discipliné parce que Dieu m'aime et que je suis son fils. Il veut que je me confie de nouveau entièrement à lui sans me fier à ma sagesse ou à mon intelligence, tout en le reconnaissant dans toutes mes voies. Il veut me donner des directives précises, une bonne santé et la prospérité. Dieu nous l'a exprimé clairement et simplement. Nous sommes donc absolument inexcusables. Je vous pose donc cette question. Désirez-vous expérimenter la vie à son meilleur par la puissance divine ou préférez-vous continuer de faire les choses à votre façon? Trouvez-vous que vous en avez assez de marcher selon vos voies et vous demandez-vous quels sont les premiers pas dans la bonne direction? D'abord, il faut reconnaître Dieu comme votre Dieu et reconnaître son droit de gérer votre vie. Deuxièmement, vous lui confessez vos péchés et vous reconnaissez que Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, mourir sur la croix. Par sa mort, il a payé entièrement la dette de vos péchés. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, vous recevez le pardon de vos péchés. Vous devenez enfant de Dieu et maintenant, vous pouvez poursuivre votre pèlerinage terrestre dans la bonne direction en suivant votre guide divin. Le geste le plus sage que vous puissiez accomplir, c'est de remettre votre vie entre les mains de Dieu en lui disant « Seigneur, je désire que tu gères ma vie parce que je ne réussis pas à bien le faire. Tu es infiniment plus sage que moi. » C'est vrai qu'il l'est. C'est ainsi que débute votre pèlerinage sous la direction de Dieu. Vous reconnaissez que Dieu a toute autorité sur vous, que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon pour vous et qu'il a expié vos péchés. Vous vous confiez à Dieu de tout votre cœur. Vous ne dépendez plus de votre propre sagesse. Vous le reconnaissez dans toutes vos voies. Il vous guidera donc sur son sentier. Vous vous détournez du péché parce que vous craignez Dieu et que vous lui permettez de vous bénir par des directives claires, une bonne santé et la prospérité, tout en acceptant sa discipline. En effet, vous savez que le but de cette discipline est de vous forcer à dépendre entièrement de lui. C'est cela le guide de Dieu pour une vie épanouie. Pour l'obtenir, nous n'avons qu'à la lui demander. Prions. Père Céleste, nous t'aimons. Tu es infiniment bon. Tu proposes des choses simples et faciles à comprendre, mais nous trébuchons parce que nous voulons des solutions complexes. Je prie afin que tu ouvres l'intelligence et le cœur des auditeurs afin qu'ils reçoivent ce message. De plus, Père Céleste, donne-nous la sagesse pour fonctionner selon les principes du texte que nous avons étudié. Père Céleste, je te prie aussi pour ceux qui éprouvent présentement de grandes difficultés. Puissent ces personnes vouloir te dire « J'ai besoin d'aide, veux-tu m'aider ?» Seigneur, nous savons que tu aideras ceux qui te le demanderont et que plusieurs d'entre nous seront tes instruments pour les aider. Et tout cela, nous te le demandons au nom précieux du Seigneur Jésus, ton Fils unique, le seul qui nous permet d'entrer en ta présence, Seigneur Dieu. Amen. Charles Stanley nous a expliqué quelles sont les caractéristiques de la boussole infaillible de Dieu pour profiter d'une vie épanouie. Si ce n'est pas déjà fait, afin de commencer votre merveilleux pèlerinage avec Dieu, recevez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Lorsque vous le faites, il devient votre compagnon de voyage et votre guide. Plus nous en savons au sujet de Dieu, plus nous devons